parce que sensible. Now. On a dit qu'on faisait pas de reprise. Slow. Low, low, low, low, low. La. Thank you.